Doctrine d'Averroès. Deuxième partie, l'Averroïsme. L'Averroïsme dans la philosophie scolastique. Opposition de saint Thomas. Saint Thomas est à la fois le plus sérieux adversaire que la doctrine averroïste ait rencontré, et, on peut le dire sans paradoxe, le premier disciple du grand commentateur. Albert doit tout à Avicenne, saint Thomas, comme philosophe, doit presque tout à Averroès. Le plus important des emprunts qu'il lui a fait est sans contredit la forme même de ses écrits philosophiques. Il faut se rappeler qu'Averroès est bien le créateur de la forme du grand commentaire. Avicenne et Albert, son imitateur, compose des traités sous le même titre et sur les mêmes sujets qu'Aristote, mais sans distinguer leur glose du texte du philosophe. Averroès et saint Thomas, au contraire, prennent membre par membre le texte aristotélique, et font subir à chaque phrase le travail de la plus patiente exégèse. Un seul des commentaires d'Albert, celui de la politique, est composé suivant la méthode d'Averroès et de saint Thomas, mais on a les meilleures raisons pour lui contester cet ouvrage. Il faut reconnaître au moins que si ce commentaire est d'Albert, il le composa après les autres et après avoir vu ceux de saint Thomas. Albert est un paraphraste, saint Thomas, au contraire, est un commentateur. C'est ce que Ptolémée de Lucas voulut dire quand il nous apprend que, sous le pontificat d'Urbain IV, saint Thomas commentait à Rome la philosophie d'Aristote, d'une manière unique et nouvelle. De qui saint Thomas a-t-il appris cette manière de commenter une nouvelle inconnue avant lui? Je n'hésite pas à le dire, il l'a apprise du commentateur par excellence, d'Averroès. Ainsi le double rôle d'Averroès parmi les philosophes scolastiques est déjà parfaitement caractérisé dans saint Thomas. C'est, d'une part, le grand interprète d'Aristote, autorisé et respecté comme un maître, c'est, de l'autre, le fondateur d'une damnable doctrine, le représentant du matérialisme et de l'impiété, un hérésiarque. Guillaume de Tocqueau, l'auteur de la légende de saint Thomas, énumérant les hérésies vaincues par son maître, met en première ligne celle d'Averroès, qui enseignait qu'il n'y a qu'un seul intellect, erreur subversive du mérite des saints, car dès lors il n'y aurait plus de différence entre les hommes. Nous verrons bientôt le triomphe du docteur angélique sur cet infidèle devenir. Sous l'inspiration dominicaine, le thème favori des écoles de peinture de Pise et de Florence. Saint Thomas, comme Guillaume d'Auvergne, comme Albert, mais avec plus d'élévation que le premier et plus de décision que le second, fait porter tout l'effort de sa polémique contre les propositions hétérodoxes du péripatétisme arabe. La matière première est indéterminée, la hiérarchie des premiers principes, le rôle intermédiaire de la première intelligence à la fois créée et créatrice, la négation de la providence, et surtout l'impossibilité de la création. Le commentaire du huitième livre de la physique est presque tout entier consacré à réfuter celui d'Averroès. À ce raisonnement qu'il prête aux philosophes arabes, et qui, en effet, résume assez bien sa pensée, le changement se produit, mais il ne peut pas être changé à moins qu'il n'y ait un sujet, donc ça ne peut être qu'un sujet. Il répond en niant la majeure. La production universelle de l'être par Dieu n'est ni un mouvement ni un changement, mais une sorte d'émanation. Aristote ne blesse pas la foi en établissant que tout mouvement a besoin d'un sujet mobile, cela est vrai dans l'état actuel de l'univers. Les anciens philosophes, qui ne considérait que les changements particuliers et les phénomènes multiples, ne pouvait envisager le devenir que comme une altération d'un sujet préexistant. Mais Platon et Aristote, qui sont arrivés à la connaissance du premier principe, ont pu concevoir dans l'univers autre chose que mouvement et mutation, car, au-dessus de l'action et de la réaction des causes secondes, ils ont aperçu l'unité de la cause première. Sans doute, Aristote s'est gravement trompé en soutenant l'éternité du temps et l'éternité du mouvement, mais rien n'autorisait Averroès à conclure de tels principes l'impossibilité de la création ex nihilo. C'est surtout contre la théorie de l'unité de l'intellect que saint Thomas déploie toutes les ressources de sa dialectique. Non content d'y revenir sans cesse dans la somme théologique, dans la somme contre les gentils, dans le commentaire sur le traité de l'âme, dans les questiones disputat et de anima, il a composé sur ce sujet l'un de ses opuscules les plus importants, le De unitate intellectus, adversus averroistas. Nous rechercherons plus tard quels sont les adversaires que saint Thomas a en vue dans ce traité, mais les formes de sa polémique nous révèlent suffisamment qu'il en veut à une école organisée, prétendant représenter l'esprit véritable du péripatétisme contre les philosophes latins, c'est-à-dire contre les scolastiques orthodoxes, et s'attachant à Averroès comme à la plus haute autorité, supérieure même à celle de la foi. Saint Thomas s'indigne de voir des chrétiens se faire ainsi les disciples d'un infidèle, et préférer à l'autorité de tous les philosophes celle d'un homme qui mérite moins le titre de péripatéticien que de corrupteur de la philosophie péripatétique. Il essaie donc de le réfuter non par l'autorité des latins, qui ne plaît point, dit-il, à tout le monde, mais par des arguments philosophiques empruntés seulement aux Grecs et aux Arabes. Ni Aristote, ni Alexandre d'Aphrodisias, ni Avicenne, ni Algazel, ni même Théophraste et Thémistius, dont Averroès altère la pensée, n'ont songé à cette doctrine étrange de l'unité de l'intellect. Tous ont regardé l'intellect comme individuel et propre à chaque homme, et sans cela, que resterait-il de la personnalité humaine ? La faculté intellectuelle ne serait-elle pas détruite, puisque l'homme ne serait intelligent qu'au moment où son intelligence est mise en acte? Pour Averroès, le principe d'individuation est la forme, pour saint Thomas, c'est la matière. Si l'individuation vient de la forme étant la même chez tous les êtres de la même espèce, le réalisme et l'averroïsme ont gain de cause. Albert avait déjà proposé de transporter à la matière le principe d'individuation, mais saint Thomas le premier fixa sur ce point la théorie dominicaine. La même forme convient à plusieurs, mais la matière n'appartient qu'à un seul, donc c'est la matière qui fait le nombre des êtres, non pas la matière indéterminée qui est la même chez plusieurs, mais la matière délimitée, le quantum individuel. Telle est du moins l'explication donnée à la pensée de saint Thomas par Gilles de Rome, et restée traditionnelle dans l'école thomiste. Certes, l'argumentation de saint Thomas est sans réplique, quand il défend contre les averroïstes la personnalité humaine. La raison dit, je, comme les autres facultés, et tout système qui ne peut expliquer l'individuation et par conséquent la multiplicité de la raison envisagée dans le sujet, accuse par là même son insuffisance. Mais l'école thomiste tomba dans une exagération tout aussi dangereuse en attribuant à la matière le pouvoir de déterminer l'individu. Aux yeux d'une philosophie plus complète, Et aux yeux d'Aristote lui-même, l'individualité résulte de l'union de la matière et de la forme, un être est créé à l'heure où la substance indéfinie entre dans une des mille formes possibles, et devient par cette détermination susceptible d'un nom. L'école orthodoxe ne répondit jamais d'une manière satisfaisante à cette objection des averroïstes. S'il y a un intellect pour chaque homme, il y a donc plusieurs intellects, il y en a un certain nombre déterminé, ni plus ni moins. L'hypothèse des scolastiques sur l'origine de l'âme, créando infinditur, infindando creature, autorisait cette subtilité. Si, à un moment donné, vers le 40e jour après la conception, comme il disait, Dieu crée une âme pour informer le corps, il se crée donc sans cesse des âmes, le nombre s'en augmente indéfiniment. De telles difficultés étaient la conséquence du système qui envisage l'homme comme un composé binaire de deux substances, il fallait une notion de l'unité humaine plus explicite que ne l'avait le Moyen Âge, pour arriver à voir que la conscience se fait, comme tout le reste, sans création spéciale, par le développement régulier des lois divines de l'univers. Ne peut-on même pas reprocher à saint Thomas d'avoir, par une réaction exagérée contre l'avéroïsme, porté atteinte au caractère absolu et universel de la raison? Après avoir reconnu que l'homme participe à l'intellect actif comme à une illumination extérieure, il se demande si cet intellect est le même pour tous. Et pour qu'il ne reste aucune équivoque sur la gravité de la question qu'il agite, écoutons l'argument qu'il prête à ses adversaires et auquel il essaie de répondre. Tous les hommes sont d'accord avec les premières conceptions de l'intellect, mais à ceux-ci ils consentent par l'intellect agent. Par conséquent, ils se réunissent tous dans un seul intellect d'agent. Eh bien, à la question aussi nettement posée, il répond négativement, et par un argument dont on a lieu d'être surpris, l'intellect actif est comme la lumière. Mais ce n'est pas la même lumière dans différentes choses qui le sont. Donc l'intellect actif n'est pas le même. Il ne semble pas toutefois que saint Thomas ait aperçu les graves conséquences d'une telle solution. Car se posant à lui-même cette question, un homme peut-il enseigner à un autre? Il critique avec la plus parfaite justesse l'opinion d'Averroès. Sans doute, dit-il, à n'envisager que l'unité de l'objet, la science est la même dans le maître et le disciple, mais le fait subjectif de la connaissance se diversifie avec les sujets. Saint Thomas ne se montre pas moins opposé à Averroès sur la question de l'union avec l'intellect actif, et de la perception des substances séparées. Averroès, dit-il, suppose qu'au terme de cette vie l'homme peut arriver à comprendre les substances séparées par son union avec l'intellect actif, lequel étant séparé perçoit naturellement les substances séparées, en sorte qu'unis à nous, il nous les fait comprendre, de même que l'intellect possible, en s'unissant à nous, nous fait comprendre les choses matérielles. Cette union avec l'intellect actif s'opère par la perception des intelligibles. Plus on perçoit d'intelligibles, plus on approche de cette union. Si l'on arrive à percevoir tous les intelligibles, l'union est parfaite, et alors, par l'intellect actif, on arrive à connaître toutes les choses matérielles et immatérielles, ce qui est le souverain bonheur. À cette théorie d'Averroès, saint Thomas oppose le principe péripatétique, nous ne comprenons rien sans image, or, les substances séparées ne peuvent être comprises par une image corporelle. Peut-on du moins arriver à la connaissance suprême par des abstractions successives, comme l'a supposé avant Pass, en subtilisant de plus en plus les données de la sensation? Non encore, car l'image, quelque épurée qu'elle soit, ne saurait arriver à représenter une substance séparée. L'orthodoxie de l'école thomiste devait s'effrayer d'une proposition aussi absolue. En effet, dans la troisième partie de la somme, qui n'est pas du docteur Angélique, mais qui a été recueillie par son disciple Pierre d'Auvergne de son commentaire sur le quatrième livre des sentences, on prouve, à l'aide de Saint-Denis l'Aréopagite, que l'intelligence humaine peut arriver à voir Dieu dans son essence. Et comment s'opère cette vision ? Ce n'est ni par une quiddité que l'intellect séparerait de la substance, comme le veulent Al-Farabi et Avant-Pass, ni par une impression que la substance séparée produirait sur l'intellect, comme le veut Avicenne. C'est par l'union directe avec la substance elle-même, comme le veulent Averroès et Alexandre d'Aphrodisias. Dans cette union, la substance séparée joue à la fois le rôle de matière et de forme, elle est ce qui fait comprendre et ce que l'on comprend. Quoi qu'il en soit des autres substances séparées, continue l'écrivain thomiste, il faut admettre que la vision de l'essence divine s'opère comme il vient d'être dit. Quand l'intellect perçoit l'essence divine, cette essence est à l'intellect ce que la forme est à la matière, ce que la lumière est aux couleurs. Les substances matérielles ne peuvent ainsi devenir la forme de l'intellect, car la matière ne peut devenir la forme d'une autre substance, mais cela est possible dès qu'il s'agit de l'être en qui tout est intelligible. Et c'est pour cela que le maître des sentences a dit que l'union de l'âme avec le corps est l'image de l'union de l'esprit avec Dieu. On peut douter que saint homme a eu poussé, comme son disciple, la tolérance jusqu'à accepter d'Averroès l'explication d'un dogme de théologie. Les attaques contre Averroès semblent se lier, chez saint Thomas et dans l'école dominicaine, au désir de sauver, en une certaine mesure, l'orthodoxie du péripatétisme, en sacrifiant les interprètes et surtout les arabes. De là, cette perpétuelle attention à montrer qu'Aristote a cru à l'immortalité de l'âme et aux autres dogmes de la religion naturelle. Du reste, à part quelques dures paroles dans le traité De Unitate Intellectus, saint Thomas est loin de traiter Averroès en impie, et de témoigner contre lui cet rage que nous trouverons si caractérisé chez Raymond Lulle et Pétrarque. Pour saint Thomas, comme pour Dante, Averroès est un sage païen digne de pitié, mais non un blasphémateur digne d'exécration. Il lui doit trop pour le damner. Averroès d'ailleurs n'était pas encore devenu le porte-étendard de l'incrédulité, et n'avait pas pris place dans les bols jeux de l'enfer. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.